Mes amours, ou plutôt mes rendez-vous, avec celle-ci, durèrent peu, très heureusement pour elle et pour moi. Quoique mes liaisons avec Mademoiselle de Vulson n'eussent pas le même danger, elles ne laissèrent pas d'avoir aussi leur catastrophe après avoir un peu plus longtemps duré. Les fins de tout cela devaient toujours avoir l'air un peu romanesque et donner prise aux exclamations. Quoique mon commerce avec Mademoiselle de Vulson fût moins vif, il était plus attachant peut-être. Nos séparations ne se faisaient jamais sans larmes, et il est singulier dans quel vide accablant je me sentais plongé après l'avoir quittée. Je ne pouvais parler que d'elle, ni penser qu'à elle. Mes regrets étaient vrais et vifs. Mais je crois qu'au fond, ces héroïques regrets n'étaient pas tous pour elle, et que, sans que je m'en aperçusse, les amusements dont elle était le centre y avaient leur bonne part. Pour tempérer les douleurs de l'absence, nous nous écrivions des lettres d'un pathétique à faire fendre les rochers. Enfin, j'eus la gloire qu'elle n'y put plus tenir et qu'elle vint me voir à Genève. Pour le coup, la tête acheva de me tourner. Je fus ivre et fou les 2 jours qu'elle y resta. Quand elle partit, je voulais me jeter dans l'eau après elle, et je fis longtemps retentir l'air de mes cris. 8 jours après, elle m'envoya des bonbons et des gants, ce qui me parut fort galant, si je n'eusse appris en même temps qu'elle était mariée et que ce voyage, dont il lui avait plu de me faire honneur, était pour acheter ses habits de noces. Je ne décrirai pas ma fureur, elle se conçoit. Je jurai dans mon noble courroux de ne plus revoir la perfide, n'imaginant pas pour elle de plus terribles punitions. Elle n'en mourut pas cependant, car, 20 ans après, étant allé voir mon père et me promenant avec lui sur le lac, je demandai qui étaient des dames que je voyais dans un bateau peu loin du nôtre. « Comment ? » me dit mon père en souriant. « Le cœur ne te le dit-il pas ? Ce sont tes anciennes amours. C'est Madame Christin, c'est Mademoiselle de Vulson. » Je tressaillis à ce nom presque oublié, mais je dis au batelier de changer de route, ne jugeant pas, quoique juste assez beau jeu pour prendre ma revanche, que ce fut la peine d'être parjure et de renouveler une querelle de 20 ans avec une femme de 40.